les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À propos de la vie d'Arthur Koestler, George Steiner déclara « Certains hommes incarnent leur époque au point que leur biographie donne force et relief à ce qui a fait leur temps. » Né en 1905 en Hongrie, mort à Londres en 1983, Koestler a passé son adolescence à Vienne, qu'il quitta à 20 ans pour s'installer comme journaliste à Berlin, où il adhéra au Parti communiste en 1931. En Espagne, au moment de la guerre civile, il fut capturé et condamné à mort par les franquistes, puis finalement libéré. En 1938, il quitta le Parti communiste suite au procès de Moscou et en dénonça l'ignominie dans un roman, Darkness at Noon, Le Zéro et l'Infini. Interné en France au camp du Vernet en 1940, il se réfugia dans le Londres de la Résistance, revint à Paris au moment de la Libération et s'installa définitivement en Angleterre dans les années 50. Le 25 juin 2005, dans Réplique, Alain Finkielkraut invitait Michel Laval, l'auteur d'une biographie de Koestler alors tout récemment publiée, à dialoguer avec Pierre Dex, l'ancien rédacteur en chef des Lettres françaises, pour dessiner un portrait de cet intellectuel majeur du XXe siècle. Réplique, Arthur Koestler, un intellectuel dans le siècle, avec Pierre Dex et Michel Laval. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, nous ne koestleriserons pas, écrivait Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit, en 1948, lors du procès en diffamation intenté par Victor Kravchenko à l'hebdomadaire communiste Les Lettres Françaises, qu'il avait qualifié, lui, l'auteur de « J'ai choisi la liberté », de traître et de menteur. Arthur Koestler était alors un intellectuel si important, si névralgique, qu'on se déterminait pour ou contre lui et que de son nom impossible avec toutes ses consonnes, on pouvait se risquer à faire un mot de la langue française et appeler « koestlerisation » l'enrôlement dans la croisade anticommuniste. Le communisme ayant entraîné l'anticommunisme dans sa chute, Koestler est aujourd'hui un auteur certes connu, mais peu fréquenté et rarement cité. Michel Laval vient de réparer cette négligence dans un livre exemplaire, « L'homme sans concession, Arthur Koestler et son siècle ». Et nous allons continuer dans cette voie par une conversation avec Pierre Dex, qui fut, en tant que rédacteur en chef des Lettres françaises, l'un des protagonistes de la longue querelle à laquelle Koestler a été mêlé. Mais d'abord, Michel Laval, vous à qui a été épargné l'épreuve de l'égarement, car vous avez eu, comme moi, la chance d'être né après la bataille, qu'est-ce qui vous a conduit à koestleriser? D'où vous vient cette passion, cette empathie pour l'auteur du Zéro et l'Infini et de la Tour des Draps, Michel Laval? Sans doute une certaine manière de se tenir en matière intellectuelle. Dans le domaine intellectuel, vous avez rappelé à l'instant les circonstances dans lesquelles Mounier a prononcé son apostrophe sur Koestler, qui était donc l'époque du procès Kravchenko. Au fond, que disait Mounier? Mounier disait que il fallait refuser la vérité sur le système concentrationnaire soviétique. Le problème qui était posé au moment du procès Kravchenko, c'était celle de l'existence des camps en Union soviétique, entre autres. Celle de la réalité du système totalitaire soviétique. Donc par conséquent, au fond, Mounier disait il faut sauvegarder l'idéologie contre la vérité des faits. Et Koestler, c'était exactement l'inverse. Donc koestleriser, comme l'entend Mounier, ça veut dire, à mon sens, refuser le mensonge, refuser les idoles, les dogmes, les certitudes glacées, et finalement... obéir à trois principes que Koestler avait fixés au moment de sa rupture avec le communisme et que je cite dans le livre, que je vais rappeler parce que, à mon sens, tout l'esprit de Koestler est là. Oui, Koestler, alors c'est 1938. Hein. En 1938, il prononce une conférence devant une association des écrivains allemands à Paris et c'est là... C'est le moment de sa rupture. rupture est consommée. C'est le moment de sa rupture, la rupture est consommée. C'est au lendemain du procès, du troisième grand procès de Moscou, qui est le procès de Boukharine. Et au cours de cette conférence, Kessler assène les trois principes suivants. Il dit « Nul mouvement, parti ou personne ne peut revendiquer le privilège de l'infaillibilité. Il est aussi fou d'apaiser l'ennemi que de persécuter l'ami qui poursuit les mêmes fins que vous par des moyens différents. À la longue, une vérité nuisible vaut mieux qu'un mensonge utile. » Ça, c'est une citation de Thomas Mann. Ça, c'est une citation de Thomas Mann. Il reprend les trois principes qui sont énoncés par Arthur Koestler, dont il va faire d'ailleurs les principes de sa vie, de son existence et de son engagement. Et pour répondre à votre question, j'ai pensé que le temps était venu d'exhumer ces principes à une époque où, au fond, on voit à nouveau surgir les idéologies, sacrifier les faits aux idées, et donc par conséquent de remettre Kessler à l'ordre du jour. Bien, alors, vous, Pierre Dext, vous avez été protagoniste et témoin. Je suis témoin. Protagoniste, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne m'en suis jamais pris à Kessler pour deux raisons. La première, c'est que j'ai lu Testament espagnol en 1939, sans savoir évidemment qu'il m'arriverait une aventure à peu près comparable par certains côtés. Enfin, je serais confronté à la peine de mort en 1942. La deuxième, et la plus importante, c'est que, comme je l'explique dans mon livre « Bréviaire pour Mauthausen », dans la résistance contre les nazis dans ce camp, j'ai découvert l'Europe, et bien en particulier l'Europe des communistes, parce que Mauthausen était un camp de catégorie 3, Buchenwald n'étant que catégorie 2, et on y avait concentré un certain nombre de gens qui allaient être des responsables communistes d'après la guerre. J'y ai découvert en particulier les communistes allemands, et avec leur itinéraire particulier, c'est-à-dire de gens qui avaient vécu la défaite la plus absolue avec Hitler, mais n'avaient pas connu le Front populaire ni les choses analogues, et qui, par exemple, condamnaient ce qui se passait en France avec le Conseil national de la résistance ou des choses comme ça. C'est-à-dire que quand je suis rentré en 1945, j'ai lu, quand il a été publié, Le Zéro et l'Infini, c'est pas un livre qui m'a du tout irrité. J'ai trouvé que c'était une hypothèse possible. Je pensais à l'époque que les drames dont Kessler avait fait son livre appartenaient à une autre période, que la victoire sur Hitler changerait tout ça. Bon, c'était une partie d'illusion. Mais que Kessler soulève le problème, moi, ça ne me rendait pas du tout hystérique. Ça n'était pas mon problème, parce qu'à l'époque, j'étais un des responsables du cabinet de Charles Tillon, qui était ministre de l'Armement. Ce qui voulait dire que nous avions 110 000 ouvriers à gérer dans les pénuries de 1946, et je n'avais pas le temps de ce genre de choses. Mais, je veux dire, c'est par la suite, je n'étais pour rien non plus dans le procès Kravchenko. Non, mais... Attendez. J'explique ça, c'est pas pour me défausser sur mes aînés ni mes camarades. Je veux dire simplement que... par rapport... je ne voyais pas du tout Kessler. Je voyais Kessler comme un ennemi de l'Union soviétique, ça c'était tout à fait évident, mais je ne le voyais pas comme quelqu'un de déshonorant intellectuellement. Non, mais de toute façon, il ne s'agit pas ici d'intenter quelque procès rétrospectif que ce soit, ce serait déplacé. Parce qu'il y a autre chose dans le livre de Michel Laval. Vos chemins s'en sont croisés. Vous ne vous en êtes jamais pris à Kessler, et avec, je pense qu'il faudra voir effectivement sur quel ton le Parti communiste s'en est pris à lui. Mais je pourrais presque dire que lui, Kessler, s'en est pris à vous dans un moment tout à fait particulier, un deuxième procès, celui que vous avez intenté David Rousset, puisque dans un article, Pierre Dex matricule 59807 à Mauthausen répond à David Rousset, vous l'avez accusé d'avoir falsifié la vérité alors qu'il dénonçait l'horreur concentrationnaire en Union soviétique comme sous le nazisme. Et ce procès, David Rousset l'a gagné, et c'est là que Koestler a signé une lettre collective publiée dans le New York Times avec notamment Roger Baldwin et Sidney Hook, où il disait que ce procès constituait un événement considérable, comparable par sa signification morale, mais dépassant en termes humains le procès de Dreyfus il y a un demi-siècle. Donc c'est là que vos chemins se sont croisés. Ce que je disais, c'était pas pour me défausser sur l'ensemble du problème, c'est simplement pour expliquer qu'il se trouvait que Koestler n'était pas mon objectif. David Rousset l'a été pour une raison simple, c'est que à l'époque, si l'Union soviétique était un pays comme l'Allemagne nazie, dans ce cas, c'était toute ma guerre, ce pourquoi mes camarades étaient tombés, qui s'effondrait. Et j'ai écrit de mon propre chef. Ça n'a pas été du tout une commande du parti. J'ai même, je dois dire, considérablement ennuyé les responsables du Parti communiste français. J'ai écrit cet article, qui était évidemment une imbécilité, mais qui était la chose dont j'avais absolument besoin à l'époque pour survivre. Michel Laval, vous avez un commentaire à faire ? Moi, ce que je regarde simplement, ce que je sais, c'est la manière dont Koestler a été traité par... les communistes après la guerre. Il a été traîné dans la boue, injurié, calomnié, dans des termes qui parfois d'ailleurs sont des termes tout à fait surprenants. Oui, c'est ça. Ils n'ont rien à voir même avec le conflit idéologique. Quand on parle du juif hongrois Koestler, quand on dit qu'il est pro-allemand, enfin, il y a quelque chose qui était dans le ton de l'époque. Mais oui. il faut dire. Pour que la discussion soit parfaitement claire, que Pierre Dex n'a jamais rien écrit contre Arthur Koestler. Non seulement il n'a jamais rien écrit contre Arthur Koestler, mais lorsque Koestler est mort, il a publié un article long sur le zéro et l'infini, où il soulignait l'importance majeure que le livre avait pu jouer dans la révélation du système soviétique. Mais alors justement, là, parlons de la réaction, disons, de certains communistes à la publication de La Lie de la Terre. Et ça nous permettra de parler aussi de La Lie de la Terre, un des plus beaux livres, à mes yeux, de Koestler, et un des livres les plus terribles pour la France. Mais justement, ce livre paraît en 1945, et l'hebdomadaire France Nouvelle se lance dans une diatribe contre les intolérables outrages de Judas Koestler à la France et à son peuple courageux. Haine du peuple, haine de la démocratie, haine du communisme, haine de la France. Monsieur Koestler, en 1940, a abusé de la généreuse hospitalité française. Il a usurpé le titre de réfugié pour couvrir sa besogne avilissante. Interné au camp du Vernet, il en a été libéré dans des circonstances demeurées mystérieuses. Voilà ce qu'on pouvait lire dans France Nouvelle. Alors, restituons le contexte. La Lie de la Terre raconte quoi exactement, Michel Laval? Alors, La Lie de la Terre raconte l'expérience de Koestler à partir de la déclaration de guerre de septembre, donc en septembre 1939, jusqu'au moment où il va pouvoir quitter le territoire français, c'est-à-dire donc au mois d'août 1940. Koestler, en septembre 1939, est arrêté comme indésirable, comme sujet étranger, puisque c'est une époque à laquelle le gouvernement français, qui est encore un gouvernement républicain, c'est le gouvernement Daladier, est beaucoup plus préoccupé de faire la chasse aux réfugiés anti-nazis et antifascistes que de préparer la guerre contre les armées nazies. Absolument. Et donc Koestler va être arrêté. D'ailleurs, je voudrais rappeler une anecdote qui est quelque chose d'absolument pathétique. C'est ce qui arrive à Gustav Regler, qui est un militant du Parti communiste allemand, membre des Brigades internationales. Gustav Regler se présente dans un commissariat au moment de la déclaration de guerre pour s'engager dans la Légion étrangère et se battre dans le camp de l'armée française contre son propre pays. Les policiers qui le reçoivent prennent son identité, son adresse et lui demandent de revenir le lendemain parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de lui. Et le lendemain matin, les policiers viennent l'arrêter à son domicile. Et Regler, comme Koestler, va vivre à ce moment-là la même expérience, suivre le même itinéraire. Ils vont être l'un et l'autre internés au stade de Roland-Garros, qui est un camp de triage, pour ensuite être envoyés au camp du Vernet, qui est un camp où avaient été internés les républicains espagnols et où Kessler va rester une centaine de jours jusqu'au mois de décembre 1939. Et alors, il y a une autre précision dans cette anecdote que j'ai découvert en lisant votre livre, Michel Laval, mais que je veux donner parce qu'elle est absolument terrible. En effet, donc les policiers se présentent à son domicile et d'ailleurs, ils enfoncent la porte. Ils arrivent revolver au poing. Il est resté enfermé, dites-vous, 4 jours et 4 nuits, sans nourriture dans la cave à charbon de la préfecture de police. Un policier l'avait frappé parce qu'il avait voulu servir d'interprète à un rabbin qui tentait d'expliquer en yiddish qu'il voulait satisfaire un besoin naturel. Nous dormions en plein air, pas d'eau, des latrines inutilisables, écrira Gustave Régler. Et en effet, ce n'est pas Pétain, c'est le gouvernement républicain, c'est la France censée se battre, entrer en guerre contre les nazis. Voilà. Qui agit ainsi. Et alors donc dans la ligne de la terre, ensuite, donc Kessler raconte évidemment ce premier épisode, puis ensuite, lorsqu'il revient à Paris, c'est ces semaines où il est pratiquement obligé tous les jours de se présenter à la préfecture de police pour faire renouveler son titre de séjour. Au moment où la France est envahie par les armées nazies, Kessler est à nouveau arrêté, comme la plupart des réfugiés et exilés antifascistes, antinazis. Il va pouvoir, au bout de quelques jours, être libéré. Il s'engage dans la Légion étrangère. S'ensuit une fuite dans le flot d'exode qui va le mener après un périple absolument extraordinaire jusqu'à Marseille, qui est le dernier endroit où se retrouvent la plupart des réfugiés et des exilés. Et là, bon, il pourra embarquer, il se retrouve au Maroc, ensuite à Lisbonne et enfin en Angleterre, où il arrivera au mois de décembre 1940. La Lie de la Terre, c'est le récit de ce périple. Oui, mais ça, quand l'avez-vous lu d'ailleurs, la Vie de la Terre? Kessler a tout à sa fait raison, c'est ce qui est arrivé aussi à Max Ernst, à Hartung, à un certain nombre d'artistes qui avaient choisi de se réfugier en France. C'est de la même mesure la façon dont on a traité les républicains espagnols. Mon camarade Razzola a écrit dans le Triangle Bleu que j'ai publié chez Gallimard, où ils font le récit de leur vie, que l'armée républicaine espagnole a été traitée par les Français plus mal qu'une armée ennemie. À Gurs, à Argelès et tout cela. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais justement, je vais vous dire autre chose, que c'est le gouvernement Daladier, c'est précisément ce genre de choses qui m'a envoyé dans le Parti communiste clandestin. Bon, alors, ce genre de choses, on va dans le Parti communiste clandestin. La Ligue de la Terre paraît en 1945 et France Nouvelle réagit que je viens de lire. Est-ce que vous avez lu la Ligue de la Terre à l'époque? J'ai lu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et donc, vous n'avez pas été immédiatement au courant. Non, mais vous comprenez, je ne défends pas vis-à-vis de... personne ne vous accuse. Hein, mais personne ne vous accuse. Vous comprenez bien une chose, c'est que... je ne me sens pas du tout en porte-à-faux vis-à-vis de Kessler. Si je n'ai pas réagi, j'aurais très bien pu. À l'époque, si j'avais voulu écrire un article contre le zéro et l'infini, j'aurais eu que l'embarras du choix. Je ne l'ai pas fait parce que je considérais que les deux livres que j'avais lus de Kessler, aussi bien Testament espagnol que le zéro et l'infini, c'était tout à fait normal que quelqu'un comme lui les écrivent, même si moi je n'étais pas d'accord, ou si le second me posait des problèmes. J'y reviendrai plus tard. Mais je veux dire que, même par la suite, quand il y a eu le congrès de la liberté sur la culture, etc., à l'époque j'étais gauchiste et j'étais stalinien. Et je n'ai jamais pris comme cible le congrès pour la liberté de la culture ou d'autres choses, précisément pour les problèmes que j'avais rencontrés à Mauthausen et que je continuais de suivre. La raison qui m'a fait me sortir du stalinisme, il faut que je la dise parce que c'était une chose simple, c'est que quand il y a eu le procès Slansky, pour la première fois, il y avait sur le banc des accusés Vatsulik, Clémentis que je connaissais, Geminder que je connaissais, et surtout London, qui avait été mon ami en prison et à Mauthausen. Pour la première fois, je me suis trouvé sur le banc des accusés. Et c'est à ce moment-là que j'ai viré ma cutie. J'ai choisi de rester dans l'appareil du parti pour le corriger. Et d'autre part, c'était le seul endroit où je pouvais faire quelque chose pour Londres. Si à l'époque j'avais quitté le parti, j'aurais très bien pu le faire. Si à l'époque j'aurais quitté le parti, d'abord ça aurait fait 5 lignes dans les journaux, et surtout ça aurait pu nuire à Londres et à mes camarades. Je ne l'ai pas fait, j'ai choisi l'autre voie. Mais c'était ça ma position. Michel Laval, oui. Oui, moi je voudrais quand même préciser que la question posée, en quelque sorte, n'est pas celle qui concerne l'attitude de Pierre Dex vis-à-vis de la Ligue de la Terre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les raisons de l'attitude des communistes en 1945 à propos de la Ligue de la Terre et les critiques qu'ils adressent à Koestler sur ce qu'il a écrit. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que Koestler, dans la Ligue de la Terre, met en cause le pacte germano-soviétique. Il, à plusieurs reprises, il évoque le pacte qui a provoqué une secousse tellurique dans les rangs du mouvement communiste international, parce que cette alliance contre nature en apparence était tellement aberrante, elle était tellement en contradiction avec tous les combats qui avaient été menés depuis plusieurs années par les militants communistes, qu'il s'en est suivi une stupeur absolument totale. Et Koestler, dans la Ligue de la Terre, raconte, parle notamment des communistes allemands et du pacte germano-soviétique, ce que ne tolèrent pas les communistes français. La deuxième raison à cela, c'est que Koestler décrit l'état de déréliction dans laquelle se trouve la France au moment de la déclaration de guerre. Il décrit l'administration tatillonne, franchouillarde, xénophobe, raciste. C'est cela qu'il met en cause. Et c'est ce que ne tolère pas le Parti communiste, parce qu'à l'époque, en 1945, le Parti communiste a endossé les habits de la Renaissance française. Il se revendique comme étant le grand parti national. Il n'a pas d'ailleurs, au passage, totalement tort, parce qu'il a payé un tribut important à la résistance à partir de 1941. Donc tout cela est absolument incontestable. Mais la critique qui est adressée à Koestler sur la France est, pour le Parti communiste, en contradiction totale avec la stratégie qui est à ce moment-là suivie. Ça, ce sont les deux raisons pour lesquelles les communistes ne peuvent pas tolérer la Ligue de la Terre. Oui, Pierre Bex. Mais écoutez, là aussi, il faut apporter des nuances, non pas vis-à-vis de Koestler. J'ai montré dans deux de mes livres récents, dans mon livre sur les lettres françaises et dans ma nouvelle édition de ma biographie d'Aragon, à quel point le pacte germano-soviétique et les décisions de Staline d'ordonner au Parti communiste d'abandonner l'antifascisme, dont nous avons maintenant les textes, on les a depuis 2 ans seulement, ont créé une très grave crise intérieure dans le Parti communiste, et il y a eu dans ce parti des gens qui ont refusé le pacte germano-soviétique, tandis que les autres, au contraire, avaient la position de France Nouvelle. Et, bon, si j'ai survécu dans ce parti, c'est parce que, précisément, il y avait ces deux lignes, et j'ai toute ma vie été protégé par les gens qui, en 39 et en 40, avaient refusé le pacte germano-soviétique, sinon j'aurais été exclu dès 1955 au 1956. C'est vous dire à quel point les outrances du Parti communiste que vous citez contre Koestler reflète en fait une crise qu'il n'a jamais surmontée, qu'il n'a jamais pu surmonter parce que, bon, elle a été enclenchée, elle a été doublée après par celle du 20e congrès, etc. Mais ça a été une crise profonde, et c'est vrai que, d'une part, ça explique les outrances même contre Koestler. Les articles de Courtade, les articles que vous citez, etc., qui sont absolument, comment dire, déréglés, qui sont bon, il y a cette partie de folie, parce que s'il n'y avait pas eu de crise, il n'y aurait pas eu ces réactions. Mais maintenant, il faut dire une autre chose, c'est que Koestler lui-même, par certains de ses propos, alimentait cela. Il y a une chose que vous citez très bien, que vous analysez très bien, de French Lou, l'article qu'il a écrit en 1943 contre la littérature de résistance en France, contre le silence de la mer, contre tout, mais surtout qu'il a repris dans Yogi et le commissaire. Je pense que s'il n'avait pas repris dans Yogi et le commissaire, ça n'aurait pas fait le même effet. Mais je dois dire que quand j'ai lu cet article, je suis tombé des nues, parce que je vais vous dire, c'était la position des staliniens du Parti communiste français. C'était cette position qui était contre Vercors, contre la littérature d'Aragon, contre tout ça. Et tout d'un coup, je la trouvais sous la plume de Koestler, ce qui est assez curieux. Michel Laval, oui. Enfin, l'article de The French... Rappelez exactement cet épisode. Oui, l'article The French Flu, qui est en fait ensuite repris dans le Yogi et le commissaire. C'est quoi, The French Flu? C'est la grippe française. La grippe française. Non, parce qu'il protestait contre l'engouement en Angleterre. Voilà. En fait, pour la littérature de résistance française. Kössler écrit un article qui va paraître dans la presse anglo-saxonne, qu'il reprend ensuite dans le recueil de textes Le Yogi et le Commissaire paru en France sous le titre Cathare français, pas le Cathare au sens des Cathares, cathareux, qui met en cause une certaine littérature de la résistance française. Et dans les attaques que Kössler lance, évidemment, il y a Aragon, mais il y a surtout, évidemment, le silence de la mer. Moi, je suis tout à fait à l'aise sur la critique que Kössler fait du silence de la mer, parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Et oui, dans le livre, j'explique les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Il dit finalement que, en fait, Vercors présente des personnages qui sont beaucoup plus anti-allemands en réalité, qu'anti-nazi. Au fond, voilà. Ce que dit Kössler, il dit Vercors présente la guerre sous un angle, dans une optique qui n'est pas la réalité de cette guerre. Voilà, c'est ça. Il dit, au fond, il nous fait la guerre de 1870, celle de 1914, l'affrontement des nationalismes, ainsi de suite. Or, pense Kössler, cette guerre-là n'est pas une guerre qui oppose les nationalismes, c'est une guerre idéologique de fond qui oppose deux systèmes, deux logiques, et deux types de valeurs. Voilà exactement ce que dit Kössler. Et ensuite, Kössler dit, au fond, finalement, le propos de Vercors, cette manière qu'il a de parler de l'officier allemand comme un ennemi, alors que l'officier allemand donne des gages de sa culture, de son adhésion aux grandes valeurs de la civilisation occidentale, ainsi de suite. Il dit, eh bien, ce rejet, c'est le même que celui dont j'ai été victime en tant qu'indésirable. Et c'est là où, à mon avis, il commet une erreur monumentale. C'est parce qu'il ne prend pas en compte une chose importante, c'est que cet officier, il aime peut-être la musique, il aime peut-être la philosophie et la poésie, mais il occupe la France. Et que l'armée à laquelle il appartient fusille des otages, déporte des gens, les torture. Bon. Et là, à mon avis, il commet un non-sens. Mais ce que je veux dire, c'est que l'erreur qu'il commet, lui, est en grande partie dictée par le traitement qui lui a été infligé. Bien sûr. Non, mais écoutez, moi, il n'y a pas de problème. La Lie de la Terre est un livre à quoi j'adhère totalement et auquel j'ai adhéré quand je l'ai lu. Mais je veux dire une autre chose sur de Franz Lou qui explique l'âpreté du débat. C'est que cet article est apparu comme un article écrit par quelqu'un qui était à l'abri, tandis que les gens qui diffusaient la littérature en question risquaient la mort en France. Oui, alors maintenant, je vais vous poser une question différente. Vous dites que vous avez rompu intérieurement avec le stalinisme assez tôt, dans les années 50, donc vous avez suivi un chemin peut-être comparable à celui de Kössler, même s'il était décalé dans le temps. Mais alors justement, je vais vous poser des questions. Vous reconnaissez-vous dans la critique, dans l'analyse que fait Kössler, du système de pensée communiste ou totalitaire? Et je vais donner quelques exemples. Alors d'abord, il y a cette première phrase extraordinaire, d'un de ses livres les plus forts aussi, Hiéroglyphe. « Je suis allé au communisme comme on va à une source d'eau fraîche, et je l'ai quitté comme on s'extirpe d'une rivière empoisonnée, jonchée de débris de villes mortes et de cadavres de noyés. » Et puis, il s'interroge plus précisément sur ce qu'a été le communisme. Eh bien, ça a d'abord été un système clos. Par système clos, j'entends premièrement une méthode universelle de pensée qui prétend expliquer tous les phénomènes sous le soleil et porter tous les remèdes à tous les maux de l'humanité. Deuxièmement, un système qui refuse de se laisser modifier par des faits nouvellement observés, mais qui possède assez de résistance élastique pour neutraliser leur attaque, c'est-à-dire pour les inclure dans le dessein voulu au moyen d'une casuistique extrêmement développée. Et puis, il ajoute que sous l'effet du communisme, son vocabulaire, sa grammaire, sa syntaxe se sont modifiés, qu'il a appris à éviter toute forme d'expression originale, tout tour de phrase individuelle, la modération, les nuances, le mot juste, dit-il, étaient suspects. Et ceci encore, qui est très intéressant, parce que je trouve que c'est une des grandes caractéristiques du XXe siècle, il demande à son lecteur de se représenter l'étrange état d'esprit d'un jeune homme de 26 ans qui en vint à se sentir honteux d'avoir fréquenté l'université, à maudire l'agilité de son cerveau, la souplesse de son langage, à considérer les goûts et les habitudes civilisées qu'il avait acquis comme une source constante de reproches à lui-même et l'automutilation intellectuelle comme un but désirable. Alors, est-ce que toutes ces caractéristiques... D'accord avec presque tout. La chose, vous connaissez le rapport des gens de la génération de Kössler avec la politique... Les gens d'Europe centrale, Kessler, Maersperber, pour prendre des exemples, avec la politique, a été un rapport tout à fait donné, tout à fait précis. Et ce qu'il faut dans ce genre de discussion, c'est penser que le rapport d'un intellectuel avec la politique est différent selon les générations, selon les pays. Et pour moi, le rapport avec le communisme a été toujours avec une partie, et qui reste encore aujourd'hui, c'est que le hasard a fait que je suis né à Ivry, que j'ai passé mon enfance à Vitry, que j'ai été quelqu'un qui a vécu dans la banlieue rouge. Et dans ce qui est le communisme pour moi, il y a toujours cette banlieue rouge, la banlieue du Front Populaire, la banlieue qui dansait en 1936, et qui est une donnée, vous comprenez? Bon, là-dessus, il y a l'appareil du parti. L'appareil du parti, je l'ai connu très tôt. C'est pour ça, d'ailleurs, que Le Zéro et l'Infini m'est paru un livre possible. Parce que j'avais lu Retour d'Urs de Gide, j'avais lu ces livres, j'avais toujours eu une position, par rapport à l'appareil, qui s'est avéré, trop gentil, presque trop douce par rapport aux choses que j'ai connues dès la résistance, dès la clandestinité du parti et par la suite. Bon, j'ai été d'une génération dont le rapport avec la politique et le rapport avec le communisme a été qu'on pouvait changer ça. Ah, c'est ça. C'était une imbécilité. En 56, je m'en suis rendu compte. J'étais le premier intellectuel communiste à parler des crimes de Staline. Il ne s'est rien passé, tout simplement parce que Thorez avait besoin, des fois que Khrouchtchev gagne, d'avoir des gens comme moi sous la main. Mais si je n'avais pas eu les lettres françaises ou autres paradoxes du Parti communiste, on me laissait une politique de déstalinisation qui s'est conclue en publiant le rapport de Solzhenitsyn, le remerciement de Solzhenitsyn pour son prix Nobel. Si je n'avais pas eu les lettres françaises où j'avais cette liberté, j'aurais quitté le parti en 64 à la chute de Khrouchtchev. Michel Labarre. Bon, il y a certains des singularités individuelles et nationales et culturelles, mais les passages que vous venez de lire de Kessler, de la manière dont il tente d'expliquer son adhésion au communisme, ce qu'il y a trouvé, ce qu'il y cherchait, ça c'est un comportement archétypal. C'est-à-dire on le retrouve absolument partout. C'est De génération en génération. Non, mais c'est ce qui fait sa grandeur. De génération en génération, il y a un universalisme du comportement, si vous voulez, qui transcende largement, évidemment, toutes les singularités. Et la façon dont il parle du système clos, c'est-à-dire donc ce système de pensée qui fait que le rapport même à la réalité se trouve rompu, est à mon avis quelque chose qui est une constance du mouvement communiste. Je voudrais donner un seul exemple qui me semble plus caractéristique. C'est lorsque Kessler, jeune militant communiste, puisqu'il adhère en décembre 1930 au Parti communiste allemand, part en août 1932 en Union soviétique, se retrouve à Kharkov, en Ukraine, capitale de l'Ukraine, chez Alexandre Weisberg, militant communiste. Au moment où il arrive à Kharkov, sévit la grande famine. Pas une grande famine, qui est une famine liée à des circonstances atmosphériques. Une famine provoquée, dans le cadre de la collectivisation des terres par le système stalinien et la liquidation de la paysannerie russe. Kessler voit cette grande famine. Il voit les gens, il voit les cadavres le long des routes, dans les fossés, dans les gares, dans les rues. Cette famine a provoqué la mort de 7 millions de personnes. Kessler ne voit rien. Il ne veut rien voir. Il trouve une explication à tout. Ça, c'est un comportement tout à fait significatif, exemplaire, de ce qu'était le comportement des militants communistes qui, enfermés dans le système clos, voyaient leur rapport à la réalité, sinon rompu, du moins totalement déformé. Et Kessler a très très bien analysé ce mécanisme. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant cet épisode que il implique davantage encore que Staline. Vous le dites très bien, Trotsky partageait la haine de la paysannerie, la même haine que son implacable rival. Et il s'est élevé, évidemment, contre les procès des communistes, mais il ne s'est pas élevé contre ce que Staline a fait à la paysannerie russe. Et celui-ci, Staline, parlait le langage de la modernité, ce qu'on oublie aujourd'hui, mais précisément, il disait qu'il fallait combattre le retard dans lequel était l'Union soviétique, que ça passait par cette mise au pas générale, cette collectivisation des terres. Absolument, mais cette universalité du comportement On la retrouve évidemment en Union soviétique chez les dirigeants du Parti communiste, parce que sur la question de la collectivisation des terres, on ne va pas parler de ça maintenant, mais enfin, on sait qu'ils étaient tous d'accord, absolument tous d'accord. La seule question les opposait, c'était de savoir à quel rythme il fallait le faire. Mais sinon, ils partageaient tous le même objectif. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler du zéro et l'infini, enfin je pense qu'on va en parler, parce Allez-y. Que dans le zéro et l'infini, Koestler va analyser le système des aveux comme la révélation de ce que accusé et accusateur sont bien d'accord sur l'essentiel. Quand il dit que les grands dirigeants bolcheviques qui sont jugés vont avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis, dans la seule perspective de rendre un service ultime au parti, puisque c'est l'explication de Koestler, eh bien, c'est une manière de signifier que sur le fond, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'exécution, jusqu'au sacrifice de soi, les uns et les autres partageaient exactement les mêmes valeurs. Oui, mais là, il se pose une question. Là, il se pose une question à quoi je suis directement mêlé. J'ai connu Otto Katz, qui est un des condamnés du procès Slansky. Et Koestler se pose la question très bien que dans la façon dont il a formulé ses aveux, il a sans doute voulu communiquer qu'il avait lu le zéro et l'infini et qu'il connaissait le problème de Roubatchov. Ce qui me frappe, j'ai posé la question autrefois à Pierre de Vreeritsen, qui était un ami de Koestler. Je ne comprends pas pourquoi Koestler n'a rien dit sur l'aveu d'Arthur Landon. Il se trouve que j'ai travaillé avec Arthur Landon quand il écrivait son livre, que j'ai veillé à ce qu'il réponde. Il y a dans l'aveu des réponses, parce qu'il y a une différence essentielle. Il y a tout ce que Koestler dit, mais plus les tortures abominables qui ont été infligées à Kamenev, Zinoviev et toujours. Et c'est la différence qu'il y a. Non, c'est pas la différence. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette critique que l'on a adressée de manière un peu constante à Koestler et qui consisterait finalement à dire que Koestler a donné une explication quasi métaphysique en quelque sorte des aveux en passant complètement sous silence les tortures physiques. Parce que dans le zéro et l'infini, il y a des tortures physiques. Oui, il y a des tortures. Attendez, Roubatchov, alors je ne sais pas ce que c'est que la torture. Roubatchov est soumis au régime du convoyeur. Il est empêché de dormir exactement dans les mêmes conditions que ce que raconte Arthur Landon dans l'aveu. Donc par conséquent, si vous voulez, Koestler n'a pas du tout. Mais c'est vrai que d'abord on est en présence d'un roman, n'est-ce pas ? C'est vrai que Koestler a centré son propos sur ce qui lui semblait être l'essence même de l'aveu. Mais il n'a pas du tout. Oui, mais alors justement. Mais c'est pas du. Moi, ce que je dis, c'est pas du tout une critique contre lui. J'entends bien. C'est une question. Oui, j'entends. Oui. Non, mais c'est une question. Vous comprenez pourquoi n'a-t-il pas parlé Il était parfaitement vivant. Ah, pourquoi il n'a pas parlé de ça ? Moi, je pense là-dessus. J'ai une explication, si vous voulez. Non, mais Koestler, vous l'avez bien vu. Koestler arrête de faire de la politique de manière définitive en 1955. Et vous pourriez vous poser d'autres questions à son propos. Pourquoi il parle pas de l'aveu de Landon? Pourquoi il parle pas de la guerre du Vietnam? Il n'y a plus aucune question politique sur laquelle il va se prononcer. La seule chose sur laquelle il va se battre une ultime fois, c'est la question de l'abolition de la peine de mort. Oui, mais alors attendez, peut-être aussi faut-il prendre les choses plus historiquement, c'est-à-dire la méditation de Koestler sur l'aveu a été, particulièrement marquée par l'épisode Boukharine. Mais peut-être doit-on comprendre les aveux dans les procès des années 50 en Tchécoslovaquie de manière différente. Les aveux n'ont-ils pas forcément le même sens, non ? Non, maintenant, on a une carte. C'est Koestler qui a raison sur le fond. Pour tout le monde ? Et pour tout le monde. La chose qu'on sait maintenant, c'est que pour Kamenev, dès Kamenev, dès Zinoviev, on a utilisé des procédés devant lesquels, enfin, que la Gestapo a repris après ou a continué de la même manière, mais que dès ce moment-là, dès les premiers procès, avec des chantages abominables et tout, maintenant on a des détails qu'on n'avait pas avant. Oui, moi je voudrais Michel dire Laval. Que Katz, effectivement, lorsqu'il fait sa dernière déclaration, l'a fait dans des termes où, au fond, il parodie en quelque sorte la dernière déclaration de Roubachev dans Le Zéro et l'Infini. Mmh. Donc c'était une manière de message. Il y a un autre message. Non, c'est ce qui veut bien dire bien sûr. Que précisément, il est sur son aveu est faux. Bien sûr. Donc c'est ça que je veux dire. Non, il y a des moments où les aveux. Non, mais c'est ça. Il y a peut-être des moments où des aveux, selon, comme le dit Koestler, sont une sorte d'oblation ultime, de sacrifice fait à une logique de l'histoire. Et puis des aveux, au contraire, qui, tout en s'exprimant dans le même langage, nous disent « je ne suis pas dupe ». Mais c'est ce qui les rend encore plus monstrueux. Oui, bien sûr, exactement. Et dans le procès Boukharine va lâcher une phrase, qui est une phrase extraordinaire. Il dit que l'aveu est un procédé juridique moyenâgeux. Exactement. Cette seule phrase réduit à elle seule la totalité, la fiabilité de la véracité de l'aveu. Mmh. C'est ça qu'il y a. Ce sont des personnages complètement dédoublés. Ils savent qu'ils mentent. Ils sont dans le mensonge. Et c'est en cela, en quelque sorte, qu'ils partagent le système de leurs accusateurs. Mmh. Tout le monde ment et tout le monde ment à l'unisson. Oui. Mais imaginez, je vais dire une chose sur Otto Katz. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en septembre 1951 à Prague. Dans l'hôtel Alcron, je le vois, en tombant les bras l'un de l'autre, parce que je le connaissais de longue date. Et il me dit, tu sais, c'est une chose fantastique. On a enlevé Slansky du secrétariat général. Maintenant, dans le parti tchécoslovaque, ça va être le que les bouches s'ouvrent du Parti communiste français. C'est-à-dire qu'il voyait dans la rétrogradation, ou du moins il a cru publiquement de me le dire, dans cet hôtel qui devait être truffé de micros et de flics. 15 jours plus tard, il est arrêté. 1 an plus tard, il est pendu. Et vous savez, c'était l'homme qui avait fait le livre Capital contre Munich. Mmh. Bon, c'était le directeur du Roux des Bravos, c'était le grand journaliste, bon, directeur du Roux des Bravos, et tout cela. Alors, maintenant, pour les minutes qui nous restent, je voudrais qu'on s'interroge sur la leçon à tirer pour aujourd'hui du cheminement de Koestler et de sa réflexion quant au mode de pensée totalitaire. Parce que nous vivons des situations incomparablement moins tragique, mais d'un autre côté, il me semble que nous sommes confrontés à des situations où l'idéologie nous dit non seulement ce qu'il faut penser, mais ce qu'il faut voir. C'est ça, me semble-t-il, le politiquement correct. Le politiquement correct, s'empare des âmes, mais aussi des yeux. Et il dit, il y a des attitudes condamnables et donc visibles, d'autres qui sont peut-être condamnables, mais qui, dans la mesure où elles n'entrent pas dans le grand récit canonique de l'oppression, ne doivent pas être dites ni vues. J'ai lu il y a quelques mois un article de Doris Lessing, absolument magnifique, écrivain progressiste, sur le Zimbabwe, sur Mugabe. C'est un article qu'elle avait publié dans la New York Review of Books. Et elle dit que lorsque la Rhodésie a changé de nom et accédé à l'indépendance, le président du Mozambique et celui de la Tanzanie ont dit à Mugabe « Tu as entre les mains le joyau de l'Afrique, à toi maintenant d'en prendre soin ». On a vu ce qu'il en a été, mais précisément, Doris Lessing dit « La réaction du monde a tardé à venir ». On a gardé un long silence, le long silence des bien-pensants, mot d'ailleurs qu'elle dit well-wishers, les bien-souhaitants. Et voici sa conclusion, combien de crimes ont été commis au nom du politiquement correct? Un assassin peut échapper à toute condamnation s'il est noir. C'est ce qui est arrivé à Mugabe des années durant. Comme si en effet le racisme avait un seul visage, l'oppression avait un seul visage. C'est-à-dire, il n'y a plus de communistes, mais l'idée d'une histoire à deux dimensions, l'idée mélodramatique que toutes les oppressions viennent d'une seule source et que tous les opprimés sont solidaires entre eux, que toutes les minorités opprimées sont solidaires entre eux, cette idée-là, elle est politiquement correcte sur les deux rives de l'Atlantique. Et donc, en lisant Koestler, j'ai le sentiment qu'on lit aussi quelque chose de notre actualité, quand bien même celle-ci, et je le répète, serait infiniment moins sanglante. Michel Laval. Oui, mais moi, je le disais au début, quand vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'avais voulu koestleriser. Et je répondais que c'est une manière de se tenir intellectuellement. Je pense que au fond, Koestler, c'est l'esprit critique, c'est la volonté de n'être prisonnier d'aucune certitude, d'aucun dogme. Et quand on voit effectivement le monde dans lequel nous vivons, avec la résurgence de l'idéologie, encore encore diffuse, mais elle est là, bon, qui nous dicte en fait des manières de penser et de se comporter, je pense que Koestler, il est aux antipodes de cela. Et c'est en cela qu'il a son actualité. Il y a une phrase dans le livre que je cite, qui n'est pas une phrase de Koestler, mais qui, à mon avis, résume entièrement ce qu'il était dans la deuxième partie de sa vie. C'est une phrase de Musil. Musil écrit dans son journal que ce n'est pas le doute qui rend fou, ce sont les certitudes. Mmh. Bon. Oui, mais je trouve que, justement, Pierre Dex, je trouve que l'actualité de Koestler est là, parce que si Koestler a été tellement combattu, ça a été bien sûr le cas des communistes, mais on oublie tout ce que la gauche lui a décoché comme justement pour ne pas se laisser koestleriser, c'est-à-dire pour arriver à sortir du politiquement correct. Je ne veux pas du tout blanchir les communistes. Mais il est de fait que la réaction de la gauche devant ce qui contredit son idéal est une réaction de se recroqueviller dedans. Et justement, Koestler comme Orwell ont été les grands champions, ceux qui ont ouvert les portes. D'ailleurs, et je crois que c'est ça qui fait l'actualité de Koestler aujourd'hui et la qualité du livre de Michel Laval. Vous citez Orwell dans votre livre Michel Laval, et qui, en effet, une phrase qui va très au-delà d'une incrimination du communisme. Le péché de pratiquement tous les gens de gauche à partir de 1933 est d'avoir voulu être antifasciste sans être antitotalitaire. Oui. Donc on a le sentiment que c'est ça. Et c'est de ce désir qu'a pu découler aussi l'excommunication de Koestler. Et il y a eu un certain nombre d'événements que vous racontez, notamment la brouille, la rupture entre Koestler et Sartre et Beauvoir, alors qu'ils avaient beaucoup sympathisé. Oui, mais à mon sens, la citation en exergue de chacun des chapitres du livre qui me semble être la plus caractéristique du comportement de Koestler, c'est celle qui précède le chapitre 5 et qui est de Charles Péguy, qui écrit « Prendre son billet au départ dans un parti, dans une faction, pourrait rajouter dans une idée, il ne l'écrit pas, mais il le pense, et ne plus jamais regarder comment le train roule et surtout sur quoi il roule, c'est pour un homme se placer résolument dans les meilleures conditions pour se faire criminel. » Oui, mais 15 ans après la chute du communisme, il reste un certain nombre de tabous qu'on ne peut pas toucher, y compris dans l'histoire européenne. Quand dans mon livre, quand dans le bréviaire de Mauthausen, je rappelle Katyn, c'est-à-dire que je rappelle qu'au moment où on envoie Mauthausen pour y être exterminé, les officiers polonais après la défaite, c'est exactement le moment où Staline fait Katyn. C'est-à-dire qu'il y a la convergence totalitaire. Eh bien, aujourd'hui, j'aime autant vous dire que ces convergences totalitaires à gauche continuent, 60 ans après, d'être mal reçues. Alors, justement, il faut s'ouvrir. Faut comprendre de quoi, que l'Europe a été victime, bien sûr, de l'abomination nazie, parce qu'elle a été la pire avec la Shoah et tout ce que ça implique et tout, mais qu'il y avait aussi l'autre abomination, celle de Staline et celle qu'a dénoncé Koestler. Il y a peut-être aussi une autre tendance aujourd'hui, c'est-à-dire comme on consent à être antitotalitaire parce que la vérité historique éclate, on puise dans l'histoire du totalitarisme russe des références servant à condamner l'hyperpuissance actuelle. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a de sérieuses raisons de critiquer Guantanamo, sans aucun doute, mais de là à dire que c'est un goulag, comme je l'ai lu en couverture du Courrier international, il y a un pas que personne ne devrait franchir. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout sur Guantanamo, qui est un système que je réprouve absolument, oui, et condamne, bien entendu. On peut le condamner bien autrement. Bien entendu, mais on peut le condamner autrement. Mais ce qui est quand même assez frappant, puisqu'on parle de la renaissance de l'idéologie, c'est quand on regarde les thèmes sur lesquels la guerre froide s'articule dans le mouvement communiste dans les années 50. Et l'extrême parenté, la similitude, la filiation qu'il y a entre ces thèmes et les thèmes qui sont actuellement servis par tout ce qui est le mouvement contre les États-Unis. Au fond, c'est la même chose. C'est le même discours. Et un discours sans comité central, en l'occurrence, pour le produire. Oui, ils n'ont pas besoin de comité central, ce qui est peut-être presque plus inquiétant. Non, parce que les données de fond restent. On veut changer le monde. Bon, la génération de Koestler, au début, la mienne, nous avons passé outre au totalitarisme. Nous avons besoin du communisme, d'autres ont eu besoin d'Hitler. Hein. Bon, nous avons vécu tous les drames, toutes les tragédies que ça a engendré, etc. Mais il reste maintenant toujours le problème Pour changer le monde, comment faut-il faire? Quel rapport avec la politique? Comment la transformer? Et c'est un problème où Koestler sert aussi d'aide à la réflexion. Bien, alors justement, puisqu'il sert d'aide à la réflexion, il me revient maintenant de citer un certain nombre de ses ouvrages. Kalman Levy vient de republier Croisade sans croix, Le zéro et l'infini ainsi que Spartacus. Et je voudrais signaler aussi les livres qui me semblent les plus importants de Koestler, regroupés dans la collection bouquins de chez Lafont, ses œuvres autobiographiques, c'est-à-dire notamment La corde raide, Hiéroglyphe, Le Testament espagnol, et aussi, on en a parlé, La vie de la terre. Et enfin, Michel Laval, vous venez donc de publier, chez Kalman Levy, L'homme sans concession, Arthur Koestler et son siècle, un livre passionnant, et vous avez publié très récemment, chez Gallimard, Pierre Dex, Bréviaire pour Mauthausen. C'était Réplique par Alain Finkielkraut, Arthur Koestler, un intellectuel dans le siècle, réalisation Didier Lagarde, première diffusion sur France Culture le 25 juin 2005. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission en ligne sur le site franceculture.fr, à la page des nuits. Comme il dessinait, comme il résistait.